dat mijn eisnes wel knijven. We zien door eisnes te spretten. We komen door wie een goede tumult, zo wie een tumult, zo wie een dik serf, zo wie een dik pant, zo dat je een laps wat je goed kunt. Ai. Buongiorno, buonasera. Come stai? Va bene? Abbastanza, più o meno. Io non lo so, ma smetterò di parlare, perché... Rewind, rewind. Fire, fire. Fire, fire. Come on, go on. Go on and on and on and on. Don't mess with fire. You know we don't die to the Isaiah. We are the burning sun. And you know who can know the kick of wolf. The new foe. Unknown, known, known object. Or is it a person, or is it from another galaxy, international? Alles null, alles zero, eenten, alles zero, eenten, alles eenten, zero. Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. Ah, ah. That death. Exactly mine. Find my cell phone. I cannot find my cell phone. I cannot find my cell phone. De bonheur, de malheur. Qu'est-ce que je veux vous dire? Moi j'essaye d'aider où je peux. Dans la musique partout. Un individu entre vous, c'est comme ça que ça se passe. Moi je sais pas, moi je baisse pas le regard quand je passe dans la rue. Parce que c'est comme ça, j'ai pas besoin d'individus qui me correctionnent. On est comme ça, j'ai qu'un seul Dieu, et c'est celui-là qui me mensonge. Parce que le... Yo, Deccan. Zodum ya. Nur eine Frage, hör den nicht. Oder gar nicht. Naja, es gibt die OP. Ja, yeah, easy. Depuis la nuit des temps, il y a toujours des choses qui se passent de gauche à droite. On sait même pas où on doit lâcher prise. Parce que tu sais même pas, il n'y a pas de friandise. Il n'y a pas de rose à lunettes. Il n'y a pas de choses qui interceptent. Moi, je suis pas comme dans le mer rouge, dans la grosse. Mais on est là tous ensemble, dans cette tension. C'est pas facile, mais moi, j'adore se laisser aller. C'est le week-end, on joue pas avec le feu. Parce que moi, je suis Feuerwasser. Zovi Feuerwasser. Ja, Jungs, alles auf einer gleichen Ebene. Was soll's? Wir sind die Besten und keiner sagt's uns. Yeah, lass uns Träume wahr werden. Träume sollen wahr werden, weil wir sind eben, wir sind Schöpfer. Und das ist das Beste daran, etwas mitzuteilen, was andere vielleicht träumen. Mit ihrer Art und Weise, und wir sollen es weiter lassen, loslassen. Sich selbst sein. Ist nicht so einfach heutzutage. Also, geben wir uns eine Chance. Eine Chance, Jungs. Yeah, yeah. Es gibt kein Zurück, doch ich komm im Blick zurück. Irgendwie nach Stuttgart, Pfaffenecker. Immer da am Neckar, Bad Cannstatt, hab ich da gelebt, 2 Jahre lang. Immer da das Fenster offen gehabt, am Fenster City, ja, da war Beben dran, viel erlebt, mit Elefantenbier, ja, Elefantomaster, her kommt mein Name, ja, mit Starkbier, du weißt. Ça passe par comme Elephant Thomas qui passe par le Vasislas comme Saint-Nicolas. Ok, tu vois un aperçu, tu vois exactement que je suis pas l'individu que t'attendais. Mais c'est pas facile pour tout le monde, pour personne. Mais on est quand même là en train de célébrer. Un peu de lâcheté qui est là mis de côté. On va balayer, c'est toujours la même chose qui nous fait enlever. Toujours le sourire dès qu'on veut déconnecter. Pas besoin d'internet, mais on est là en train de célébrer. C'est le week-end, et on donne ce putain de fire. C'est le week-end, et on donne ce putain de fire. C'est le putain de week-end. Et là, ça donne pra pra. C'est ce putain de week-end. 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche. I see so many loud people, so many fun, so many treasures. J'exagérais pas trop quand j'étais là en train de m'approcher pour tout le monde. Parce qu'il y avait tellement de vibe, tellement de connaissances, tellement de power. C'est comme ça, les 1980, 1990, 2000. C'est là que tout a chaviré, c'est comme ça que ça s'est passé. Ticker, yeah, ticker. Tellement de Nostradamus, tellement de gens qui voient la vérité, tellement de gens qui voient la vérité, et pourtant il y a personne qui est en train d'agir. Il y a tellement de choses qui me dégoûtent, mais pour ça je fais comme ça, je vois, je déroute pas sur ma ligne, parce que je connais tellement d'artistes qui vont chauffer la place. C'est comme ça, c'est simple, c'est comme ça, un parrain ou un cousin, c'est simple, c'est dans la famille. Et c'est la chaleur de la famille, avec son cœur, avec son respect, avec son hospitalité. Bienvenuti, bienvenue. Welcome. As you were not the master, but the beginner. Take it slowly. It will not come over, but you will land where you have to land. You have attraction. You know where you are. Okay, je suis pas comme ça en reconnaissant envers la vie, mais elle m'a beaucoup donné de cadeaux sans que je le voulais. Je le mérite pas, mais tu sais, j'ai beaucoup de reconnaissance envers l'être humain et ce qui m'entoure. C'est comme ça que je passe pas, je suis pas un vautour. Sinon je parle ma vérité, j'ai des fois des choses à dire, mais il y a beaucoup de choses qu'ils auront évité de me parler. Sac, c'est comme ça que j'ai beaucoup écoute, beaucoup d'écoute sur beaucoup de choses. Même c'est pas téléphonique, non, c'est... Sacre Rouge, Scrubius Pip, Sacre Rouge, Scrubius Pip, the beat that my heart skipped, I can't get no sleep, the beat that my heart skipped, is that I missed, so I continue on the mission. Mission, yeah. das nicht gelungen. Ich komme nicht geflohen, aber ich kann sie fühlen. Auch der andere mich als für mich wichtig. Ich bin so gern, sie mir nicht so viel, sie mir nicht so viel. If cats could write books, birds will be singing again and again and again. Ouragan, la jeunesse sème poison ou pas. Ici rien de pacifique, alors qu'on nous le dictait avec humour d'antan. Le maintenant se reflète avec les larmes qui se versent. La méthode, cacher les étapes qui nous traversent, qui nous hantent, entre plantes et plantées. Juste milieu, tiré par chaque côté. Retardataire dans le deuil du cyclone. Film R, alors que ça frivole, fanatisme à grande échelle, bordel. Jusqu'aux Seychelles, je flippe cette monnaie. Et tu vois que pour que tu crées de la peur ou du respect, de la sagesse ou de la goinfrie, fais gaffe. À qui tu t'associes? Trop de gars à cause de papote, puis insulte. Dis-moi où est le but? Rêve sans fin, tout le monde veut que ça finisse bien. Comme un ciseau à la papin. Score gravé dans les mémoires. Accuse que je refleure ou je refleure. Mais là, dis-moi, qui n'a jamais rêvé de se libérer de sa prison mentale? Roule ce pétale au lieu d'écouter ces givrés, influenceurs avant l'heure. Vu l'auteur où la bassesse dégage, c'est on n'a rien à dire là-dessus, faut qu'on vaille. Faut qu'on vibe, yeah. Ok, j'ai été souvent sur la mission, mais tu sais, moi je continue avec cette chose. Baptiste. Like Bows from Bronze. Oi, boys. Une petite pause. Hey, adieu, monsieur. Un peu seul. Vous m'entendez? Hey, ce monsieur-là. Va-t-il ça?